date ce temps que j'ai vécu naguère, où je quittais l'enfant en quittant la colère. Je regrette ce temps de jeunesse ivre, où je n'avais d'argent qu'un peu d'argent pour vivre. Je regrette ce temps où tout était de vin, rien à défendre encore, mais tout à espérer, tout à conquérir. Oh monde, je regrette ce temps où je trouvais pourtant ma place bien petite, mais pas trop perdue dans le grand tourbillon du monde. Je regrette ce temps des courses folles, où l'on va sans penser que jeunesse s'envole. Je regrette ce temps, Paris métro, la butte, que l'on découvre enfin après de belles luttes. Je regrette ce temps où tout était de vin, où chaque jour n'était qu'un autre petit jour ajouté à des jours. Qu'importe, je regrette ce temps où je guettais pourtant qu'une lettre de toi vienne en mes souvenirs ouvrir pour quelques jours la porte. Je regrette ce temps où je vivais par toi. Je regrette ce temps où je n'étais que moi.